trait d'une plume infidèle à son aile et qui vous croisa. Je vous écris beauté cruelle, je vous désire mais ne prends pas. Les mots qui sur la page dansent, dessins embrassant mes idées, n'auront pour vous plus d'importance que de vous être destinés. Mais à la fin de ma chanson, j'aimerais tellement que pour de bon, vous m'aimiez. Les étreintes sont passagères, il n'est rien ici pour durer, si ce n'est ce que l'on regrette. Prenez vos crayons, vos couleurs, fatiguez-les sur le papier. Je les regarde avec le cœur, il est si doux de vous aimer. Mais à la fin de la peinture, j'aimerais tellement que cela dure. Auront des ritournelles que vous laisserez vous frôler, plus lancinantes ou plus virtuelles de celles qu'on aime à fredonner. Et si mon âge vous fait peur, c'est aussi là que vous allez regardez les petits bouts de bonheur que dans mes pensées vous laissez. Car à la fin de la chanson, j'aimerais tellement que pour de bon, nous nous aimions.